On va parler de hockey avec. Il y a une nouvelle moi, qui m'a surpris un peu. Ben, c'est pas une nouvelle, c'est un commentaire de Martin Leclerc que j'écoute pratiquement tous les matins au 91.9. À la fin de sa chronique, c'est mardi dernier, il a laissé sous-entendre que les négociations entre Joël Bouchard et les Canadiens étaient au beau fixe et ça sentait pas bon pour le retour de Joël Bouchard. Et qui est mieux placé pour parler du sujet avec le descripteur du Rocket de Laval, Anthony Marcotte. Salut, Anthony. Allô, Denis. Anthony, je ne sais pas si tu as écouté le podcast parce que moi, c'est moi qui te l'ai appris ce que Martin Leclerc avait dit, mais ça sent pas bon. Parce que de la manière, c'est un feeling. Il y a rien. Je veux pas faire interpréter des affaires que Martin Leclerc aurait pas dit, là, mais c'est un feeling que j'ai eu suite au commentaire de Martin. Ça sent pas bon. Écoute, il y a certains éléments qui me forcent à penser que Joël est peut-être à la recherche d'un nouveau défi actuellement. Parce que, avec la situation qui se produit actuellement chez le Canadien, hors de tout doute que l'an prochain, Dominique Ducharme va être de retour à la barre de l'équipe. Si Joël veut revenir, parfait, l'organisation va le prendre à bras ouverts, mais ce sera pour diriger le club école à Laval. Est-ce que Joël, dans sa tête, lorsqu'il a signé son contrat avec le Rocket, se donnait-il 3 ans pour accéder à la Ligue nationale? C'est une possibilité. Là, son contrat prend fin. Il est libre maintenant, là, lorsque à la conclusion de la finale de la Coupe Stanley, il va être libre d'offrir ses services à qui que ce soit dans la Ligue nationale. Donc, on va voir, mais écoute, je suis très, très ambivalent quant à son retour éventuel dans l'organisation pour plein de raisons. Mais moi, je parlais avec Marc Fortier, qui est mon collaborateur de hockey, puis on parlait du dossier, puis je dis, Joël Bouchard est tellement important aux Canadiens, on ne peut pas se le permettre, puis si jamais, à la limite, de le payer pratiquement comme un entraîneur de la Ligue nationale, puis Marc, il dit, ben non, tu peux pas faire ça. Mais après ça, j'ai dit, garde les années de Sylvain Lefebvre, ça fait mal à l'organisation, là. Puis avec le travail que Joël a fait avec les jeunes, les Ryan Poehling, les Jake Evans, m'a dit une affaire, ça paraît là, puis ce travail-là est tellement important de développement et Joël le fait à la merveille. Tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord avec toi. Il fait un excellent boulot, mais je suis d'accord avec Marc Fortier. Tu ne peux pas payer un coach de la Ligue américaine Non, au-dessus d'un million annuellement. non, T'sais, je un coach de la Ligue sais. nationale, dorénavant, c'est ta voisine au minimum, le 1,5 à 2 millions de dollars. Puis les coachs de premier plan, comme Gérard Gallant, c'est au-dessus de 3 millions annuellement Ouais, maintenant. je C'est sais. ça. C'est comme ça qu'on paye les coachs dorénavant. Si tu fais ça, donner plus d'un million à ton coach de la Ligue américaine, quel message comme Ouais. propriétaire t'envoie envers tes pairs à travers la Ligue nationale? Là, Ouais, tu débalances un ouais. paquet de choses, ça n'arrivera pas. Puis, un élément que Joël ressent régulièrement dans ses points de presse, c'est quand on lui parle de ses joueurs, il va souvent dire, il n'y a pas personne qui rêve de jouer pour le Rocket de Laval, tout le monde veut jouer pour le Canadien de Montréal. Ben, tout le monde qui travaille auprès du club de la Ligue américaine veulent tous se retrouver dans la Ligue nationale. Ça part de l'attaquant de quatrième trio Ouais. au thérapeute athlétique, au descripteur des matchs, puis à l'entraîneur-chef. Pas compliqué, là. Tout le monde veut travailler auprès du Canadien de Montréal, puis Joël Bouchard a commencé par lui. Je l'inclus là-dedans. C'est un gars de défi, Joël, puis c'est sûr. Je ne mettrais pas de mots dans sa bouche, il ne les a jamais dit, ces mots-là. Mais c'est sûr qu'il aspire à un jour travailler vraiment dans la Ligue nationale, à titre d'entraîneur-chef ou encore comme directeur général. Est-ce que le fait que Dominique Ducharme a été préféré à Joël, ça lui a fait mal un peu? Je sais pas, tu le. Non? Ben, écoute, je pense que c'était écrit dans le ciel au départ que Dominique Ducharme était identifié comme le dauphin de Claude Julien. Au niveau junior, il avait gagné la Coupe Memorial, avait été l'entraîneur-chef l'équipe canadienne junior. Donc, pour moi, à titre d'entraîneur-chef, il faut admettre que Dominique avait rempli son mandat peut-être davantage que Joël. Personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Joël, ses qualités de coach, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Dominique Ducharme a gagné plus souvent qu'à son tour dans la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. A dirigé là, à Halifax, s'est retrouvé également à la fin à Drummondville, équipe canadienne junior. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'intéressant dans le tableau de chasse. Puis quand on l'a embauché, on le voyait éventuellement prendre la barre. Donc, j'ai pas été surpris. Est-ce que ça lui a fait mal? Peut-être, mais dans le moment pour moi qu'ils vont toujours rester chums pour la vie. C'est des gars qui sont très Ouais. proches. Je pense que Joël, dans sa tête à lui, quand c'est arrivé, il se disait sûrement, Ben, si je vais atteindre la Ligue nationale, ça va passer par un poste dans une autre organisation. C'est une méchante tête de hockey, puis ce serait une très lourde perte, en tout cas, si le Canadien, si le Canadien le perdrait, il n'y a aucun doute là-dessus. On n'est pas rendu là, mais en bref... Non, mais non seulement ça, tu sais, tu dis, OK, parfait, tu perds Joël, mais quel est ton candidat pour le remplacer? Je veux dire, ça ne court pas les rues actuellement, là. Et là, là. Ouais. Je me demande vraiment, là, j'ai fait l'exercice, si jamais André Joël Tourigny quitte, pourrait être qui, un... André Tourigny? Non, ça n'arrivera pas. Non, OK. Non, ça n'arrivera pas. Pas l'année prochaine, dans le cas d'André. Il y a trop de belles choses qui l'attendent pour lui avec Hockey Canada. Ouais. La chance d'aller aux Jeux Olympiques, de revenir comme entraîneur-chef d'équipe Canada Juniors. André Tourigny n'est pas un bon fit actuellement. Pour l'année prochaine, immédiatement, peut-être l'année suivante. Mais encore là, il a les pleins pouvoirs avec les 67 d'Ottawa. Gagne bien sa vie. Il est établi là-bas avec sa famille. Moi, je pense que là où il est rendu, André, c'est la Ligue nationale. Ou rien, sinon on va rester avec les 67. Puis dans les Légions majeures du Québec actuellement, qui sont. Il n'y a pas aucun candidat actuellement avec le tableau de chasse pour remplir le mandat de diriger un club de la Ligue américaine. Malheureusement, les candidats de choix ont tous fait le saut professionnel récemment. Et ceux qui y sont actuellement, puis écoute, il y a des bonnes têtes de hockey dans le junior majeur. C'est des entraîneurs de junior de carrière. C'est tout simplement ça. Ou ce sont des jeunes entraîneurs qui n'ont peut-être pas le bagage encore pour monter comme entraîneur-chef. Par contre, si un poste comme ça s'ouvre, il y en a deux candidats à Syracuse, ce sont les deux adjoints Gilles de Benoît Gros. Gilles Bouchard ou Éric Veilleux. Peut-être deux choix intéressants. Mais écoute, c'est pas le bagou de Joël Bouchard. Ah. C'est pas du tout le même genre d'individu. J'aime les deux gars, là. Gilles et Éric, deux bonnes têtes de hockey. Mais Joël Bouchard, c'est potentiel Ligue nationale. Les deux autres, j'en doute fort. Ouais. Parce que t'sais, on l'a payé cher, les années de Sylvain Lefebvre. Hein. On les a payés cher, puis c'est pour ça que je dis ça. Là, ça a fait mal au développement. On va suivre le dossier prêt. Je veux te parler d'un autre dossier. Je sais pas ce que ça en est rendu. J'ai suivi ça la semaine passée, puis on devait se parler en début de semaine, mais t'es avec tes occupations de temps, et c'est normal. Là. C'est des histoires de Granby et Drummondville. Il se passe quoi? Là? Parce que là, on parle de course, évidemment. On parle plus de hockey, mais de course. Anthony, pour les gens qui ne savent pas, est un passionné de course, autant sinon plus que le hockey. Il décrit des courses à l'autodrome de Granby, à l'autodrome, je pense, de Drummondville aussi, Anthony, je pense. Oui, exact. Et là, tu t'en vas pour Cornwall pour ça également. La semaine passée, j'ai vu ça sur les médias sociaux, puis j'ai lu ça sur le journal de Granby, le journal qui est l'équivalent du quotidien de Saint-Lac-Saint-Jean. Hein. Il y aurait eu un programme de course qui aurait été annulé pour une raison de bruit, c'est ça? Comment l'histoire? Non, ça n'a aucun rapport avec le bruit. Strictement une raison de santé publique extrêmement obscure à l'autonome Drummond. Mais Granby, hein? Granby, c'est assez spécial. Ouais. Je pense que le promoteur, le propriétaire Dominique Lucie a de bons liens au niveau avec la ville de Granby, avec les policiers de Granby. Ce qu'on a été en mesure de faire la semaine passée, c'est un concept de sport-spectacle sans compétition. Évidemment, c'est pas le scénario auquel on est habitué. En fait, pour moi, c'est complètement stupide et aberrant de la part de la santé publique de forcer une organisation de course automobile à ne pas faire de compétition. Je comprends le point. Lorsqu'on parle de baseball, qu'on parle de soccer, c'est qu'on parle de boxe à la limite, où les athlètes ont des contacts rapprochés avec entre eux. Sauf que là, une voiture de course, pense pas qu'on transfère la COVID. Là. À un moment donné, il faut être logique. Mais d'un côté, je pense que dans les circonstances, on a voulu s'éviter peut-être des problèmes et d'avoir à gérer du cas par cas entre chacun des sports. Parce que là, ça fait de la jalousie. Ah ouais, mais eux autres, ils font de la compétition de course automobile. Donc, on veut s'éviter les problèmes. Mais là où c'est vraiment particulier, en lien avec Drummondville, c'est qu'au moins à Granby, on a pu faire un concept sport-spectacle. Mais du côté de Drummond, il n'y a pas eu de passe-droit. Ça a été non et non négociable. Et en plus, on a été capable d'en faire une soirée sport-spectacle. Mais la semaine suivante, on avait un autre programme à l'horaire. Et la santé publique a décidé d'annuler l'événement parce que, semble-t-il, on n'aurait pas respecté les mesures sanitaires. Mais pour y avoir été présent, tout a été respecté à la lettre. Et même, là, écoute, là, ça frôlait le délire un peu. Les mesures qu'on a mises en place, le masque obligatoire partout est respecté par tout le monde. Il y avait des barrières de sécurité partout. On séparait deux sections du spectateur. Faites-moi pas croire que c'est dangereux de pogner la COVID avec 500 spectateurs séparés par 4-5 mètres de distance d'un estrade qui en contient 4000. Ça fait aucun bon sens. Mais là, au moins, à compter du 25 juin, il y a un allègement là, au niveau des activités à l'extérieur. Donc, à partir de la semaine prochaine, on ne devrait plus avoir de problème. Ce sera capacité réduite, mais au moins, ces mesures complètement débiles n'auront plus lieu. OK, mais parce que je dis ça parce que je voyais des gens, il y a eu des commentaires sur les médias sociaux, puis il y avait une histoire de bruit, puis ainsi de suite. Puis les gens, il y a une personne entre autres qui s'est fait répondre, puis c'est pour ça que je disais ça. Donc, mais ça, c'est pas d'hier qu'il y a des bruits partout, ce qu'il y a des autodromes, il y a des bruits partout. On va en parler longtemps, là. Si on rentre dans le domaine du bruit, là, je veux dire, les pistes de course vont toujours avoir mauvaise presse là-dessus. Pour ma part, les pistes qui sont toujours en opération ne sont pas nées de la dernière pluie, ils sont là depuis belle lurette. Puis la grande majorité des gens qui chialent aujourd'hui ont acheté leur résidence bien après l'implantation d'une piste de course. À un moment donné, le jour où je vais être tanné d'habiter près d'un aéroport, on va m'acheter une maison ailleurs. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'avait aucun rapport avec le bruit. D'ailleurs, à un moment donné, là, je veux dire, si tu t'achètes une maison en campagne, tu trouves que ça sent la merde, mais tu ne vas pas t'acheter une maison en campagne. Il y a une personne qui a bien répondu, d'ailleurs. Il a dit, je viens de m'acheter une maison près d'un aéroport, puis... puis je vais vivre avec. J'ai trouvé ça tellement bon comme réponse de la personne en question. Anthony, merci beaucoup. On va s'en reparler de ce dossier-là, Joël Bouchard. En tout cas, c'est sûr que le Canadien, l'histoire du Canadien, ça, et avec raison et avec beauté, c'est vraiment le fun. On suit plus le Canadien. Mais je pense que dès la fin de la saison, ça va être un dossier qui va être assez chaud, ça, sur le Canadien. Ça. Tu peux être certain qu'il va y avoir une question là-dessus qui va être adressée à Matt Bergevin au point de presse de fin de saison au bilan, parce que tu as raison, c'est un élément très important. Quand bien même que le Canadien se rende jusqu'à la Coupe Stanley, il y a des raisons pourquoi ce club-là s'est rendu là, et le développement en fait sûrement partie. Non, ça va être une question à poser, c'est clair. Puis surtout qu'on a connu les années de Sylvain Lefebvre, au risque de me répéter. Non, c'est ça. Anthony Marcotte, descripteur de Rocket de Laval, merci beaucoup, on s'en parle bientôt. Salut Danny, merci. Bye!